Panathlon sur tous les terrains de sport du pays. Le fair play est mis en avant. Une valeur capitale pour notre championne olympique qui donne l'exemple, Nafissa Toutiam. C'est important, c'est la base du sport, le fair play. Particulièrement les épreuves combinées, c'est des filles qu'on voit à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Donc surtout qu'on passe deux jours ensemble. On sait que c'est dur parce que la deuxième journée, c'est toujours très difficile pour chacune d'entre nous. Et on finit par se connaître très bien, donc on s'encourage. C'est vraiment une chouette ambiance. J'ai fait des concours en hauteur, les filles aussi se connaissent et s'encouragent. Donc je pense que dans l'athlétisme, il y a beaucoup de fair play, on peut pas se plaindre à ce niveau-là. Vive le sport, vive le fair play, Nafissa Toutiam avec Arnaud Montero. Merci à l'Eventator qui m'a accompagné ce matin. Dans quelques instants, l'info, je vous souhaite un excellent dimanche avec nous. Bon réveil, vous écoutez Vivacité, il est 9h. 11 septembre 2001, cela fait 15 ans aujourd'hui que New York était touchée par la pire attaque terroriste de son histoire. Une journée cauchemardesque marquée à jamais dans la mémoire des New-Yorkais. Un témoignage dans ce journal, celui d'une hôtesse de l'air indienne, victime des attentats de Zaventem en mars dernier. Sa photo avait fait le tour du monde. Elle tient aujourd'hui à porter un message positif. Le 11 septembre, en Catalogne, c'est jour de fête nationale. Les partisans de l'indépendance manifesteront aujourd'hui dans la région espagnole. En football, Anderlecht contre Charleroi. Le choc des deux Sporting à 18h ce dimanche, avec des Caloros qui jouent la tête. En ce début de championnat, on entendra leur coach. Et puis la fin du journal résonnera au son des cloches de tournée. 400 cloches qui tintent un peu partout dans la ville ce week-end. Vos informations avec Catherine Tonnerreau. Bonjour à tous, et c'est une date qui a marqué l'histoire. Le 11 septembre 2001, il y a tout juste 15 ans donc, deux avions percutaient les tours du World Trade Center à New York. Le bilan est très lourd, près de 3000 morts. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda qui a changé la face du monde. Chaque année depuis, les New-Yorkais rendent hommage aux disparus, car le souvenir de cette journée de cauchemar est encore très présent. Vous allez l'entendre dans le reportage de notre correspondante à New York, Marie Bourreau. C'est au son des cornemuses que la police de New York rend hommage aux 71 agents de la force publique tués dans les attaques du 11 septembre. Dans la foule, Mike, qui était alors un jeune écolier, sa vie a été bouleversée ce matin-là. Mon père est un employé des transports. Il était là lors de l'attaque. Je me souviens quand il est rentré à la maison, il nous a dit que l'odeur, l'atmosphère, c'était horrible. Ça a tout changé, même si vous oubliez petit à petit à cette période de l'année, tous ces souvenirs remontent. Sur le site de Ground Zero, au pied de la tour numéro 3 qui sera bientôt terminée, Marvin Miller, ingénieur, se souvient lui aussi de ce 13 septembre où il a commencé à travailler au milieu des gravats moins de 48 heures après l'attaque. Au début, c'était vraiment triste. J'ai vu beaucoup de choses que je n'aurais jamais dû voir. Personne ne veut voir ça. Mais maintenant, 15 ans après, on arrive au bout de cette reconstruction. C'est une page qui se tourne pour moi. Tout cela est enfin derrière moi. Ginger, elle, a vu les tours s'effondrer. Un souvenir glaçant qu'elle n'arrive toujours pas à dépasser 15 ans plus tard. Beaucoup de mes connaissances et moi-même, nous n'avons jamais mis les pieds sur le site du mémorial aux victimes parce que c'est encore trop douloureux. Et plusieurs cérémonies sont prévues aujourd'hui. Les cloches des lieux de culte de New York sonneront à 8h46 locale, heure à laquelle le premier avion est rentré dans une tour. Les noms des victimes décédées seront lus dans la foulée à Ground Zero. Notez que les deux candidats, démocrates et républicains à l'élection présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump, assisteront à cette cérémonie. Le président Barack Obama se rendra lui au Pentagone à Washington, où un troisième avion détourné s'était écrasé pour une autre cérémonie du souvenir. Première inculpation à Paris après l'attentat déjoué de jeudi dernier. Une femme radicalisée de 29 ans a été placée en détention provisoire. Ses empreintes ont été retrouvées dans le véhicule abandonné avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris. La jeune femme, mère de 3 enfants, était fichée pour avoir tenté de se rendre en Syrie. 5 personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Souvenez-vous, il y a pratiquement 6 mois, sa photo faisait le tour du monde. Visage ensanglanté, chemise jaune déchirée, assise sur un banc, le regard hagard. Une hôtesse de l'air de Zaventem le 22 mars dernier, un cliché qui incarne les attentats de l'aéroport de Bruxelles. Une équipe de France 2 a retrouvé cette jeune femme en Inde. Et Yasmina Favaro, elle a accepté de livrer son témoignage après cette journée dramatique. Elle s'appelle Nidhi Chapekar. Cette quadragénaire allait prendre son service à 8h à l'aéroport de Zaventem. Elle se trouvait donc dans le hall des départs lorsque les deux terroristes se font exploser. Je ne sais pas d'où ça venait, si ça venait d'un sac. C'était comme une boule de chaleur, avec un bruit gigantesque, ou un tsunami qui frappe. Ça m'a soulevé comme si on m'avait jeté au loin. J'atterris sur mes jambes, je me suis effondrée. La Nidhi perd connaissance. Lorsqu'elle rouvre les yeux, c'est le cauchemar. Hall détruit, des cendres partout, des corps au sol. Le fameux cliché sera pris quelques minutes plus tard. C'est grâce à lui que ses proches sauront qu'elle est en vie. Mais avant de les retrouver en Inde, Nidhi est restée hospitalisée. 20% de son corps brûlé, elle sera plongée dans le coma pendant un mois. Et aujourd'hui encore, elle est en rééducation. Mais malgré toute cette horreur vécue le 22 mars, elle en ressort un message positif. J'ai donné un nouveau tournant à ma vie. Avant, je pouvais me mettre en colère si quelqu'un faisait une erreur. Je criais parfois. Aujourd'hui, je ne crie plus. Mon amour est pour tout le monde. Ma vie doit servir à répandre cet amour, cette paix. Je me suis fait ce serment. Et l'hôtesse de l'air l'affirme, dès qu'elle aura le feu vert, elle reprendra le travail. Elle n'a pas peur, elle volera à nouveau et surtout, elle retournera à Bruxelles. Merci Yasmina Favaro. L'agenda politique sera chargé ce dimanche. Plusieurs partis rassemblent leurs troupes pour lancer leur année politique en quelque sorte. Défi sera au Ezel pour un congrès, le MR à Otigny pour son université d'été et la NVA à La Panne pour sa journée des familles. La fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies fera partie des sujets centraux de cette rentrée politique. Journée d'élections anticipées en Croatie. Les Croates doivent se choisir un nouveau gouvernement après l'éclatement de la coalition de droite au pouvoir depuis 5 mois à peine. Et les sondages prédisent un résultat serré et qui pourrait déboucher sur un nouveau gouvernement instable. En Espagne, le 11 septembre est la synonyme de fête nationale en Catalogne. Et comme chaque année depuis 2012, une immense manifestation réunira les partisans de l'indépendance. Des indépendantistes qui avaient remporté les élections au Parlement régional il y a un an. Du coup, l'enthousiasme est un peu retombé. L'indépendance express promise par les partis séparatistes au pouvoir n'est plus vraiment d'actualité, même si la défiance vis-à-vis de Madrid est toujours de mise. Notre correspondant en Espagne, Henri de la Guérille. Cet après-midi, il devrait y avoir moins de monde que l'année dernière dans les rues pour défendre l'indépendance de la Catalogne. Les organisateurs l'ont reconnu, le nombre de préinscrits est en baisse de 25%. Pourtant, selon Maria Dolors Gibert, militante convaincue, il n'y a pas de lassitude chez les indépendantistes. On ne se lasse pas du tout, nous sommes impatients, au contraire, et en tout cas personne n'a renoncé à ce projet d'indépendance. Et c'est vrai que l'adhésion à l'indépendance n'a pas diminué, mais la stratégie pour y arriver déroute les plus modérés du camp souverainiste. Sous la pression d'un groupuscule anticapitaliste, le gouvernement catalan s'est radicalisé en faisant voter des lois qui ne reconnaissent plus la légitimité des institutions espagnoles. D'ici quelques mois, les séparatistes souhaitent organiser un référendum unilatéral d'indépendance sans l'accord de Madrid. Un projet insensé pour le politologue Gabriel Colomé, proche du Parti Socialiste. Ils ont décidé de provoquer le gouvernement espagnol pour qu'il applique la suspension des compétences autonomiques dans la logique de faire que le conflit s'internationalise. Mais je crois qu'aucun État va donner son appui à la Catalogne contre l'Espagne. Et pour une partie des observateurs, le gouvernement catalan est donc dans une impasse. Le problème, c'est que des centaines de milliers de personnes vont exprimer leur impatience aujourd'hui. Une impatience qu'il sera de plus en plus difficile à gérer en Catalogne comme à Madrid. Alors qu'on annonce une trêve pour lundi en Syrie, 58 personnes ont été tuées hier dans des frappes aériennes dans le nord-ouest du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 13 femmes et 13 enfants figurent parmi ces victimes. Des dizaines de personnes ont aussi été blessées dans ces raids qui visaient un marché et plusieurs quartiers de la ville d'Idlib. On passe au sport et en football, une soirée cauchemardesque hier pour Moucron qui a pris la fessée en perdant 1-5 contre Zult, le nouveau leader. Eupen s'est imposé contre Ostende et gagne du champ sur Saint-Tron et Westerlo, tous deux battus hier soir. Ce soir, le Standard reçoit Genk et avant ça, il y aura eu à 18h le choc des deux Sporting. Anderlecht contre Charleroi avec des Carolo qui joue la tête en ce début de championnat. Écoutez le coach Carolo, Felice Mazzu. C'est un match important, c'est un match difficile comme les autres. Ils ont transféré un joueur pour 10 millions alors que c'est notre budget entier. On doit se présenter là-bas comme des ouvriers dans le sens noble du terme. On va chez les boss et nous les ouvriers, ben, on doit faire un maximum, travailler et garder nos valeurs pour essayer de faire un bon match là-bas. Des propos recueillis par Eric Libois. Enfin, en tennis, l'Allemande Angelique Kerber a remporté cette nuit l'US Open face à la Tchèque Pliskova. Kerber deviendra demain numéro 1 mondial, une première pour une Allemande depuis Steffi Graf. Ce soir, la finale homme entre Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. Je vous le disais en titre, beaucoup de bruit ce week-end à Tournai. Les 400 cloches résonnent un peu partout dans la ville. Hier, le grand sonneur a entamé sa marche à Velaine, à 14 km du centre-ville, accompagné des géants de la région. À leur arrivée en ville, ils ont été accueillis bruyamment par les Tournaisiens. C'était un reportage de Stéphanie Vandrek. Un grand raffut dans la rue des Cloches. C'est le comité d'accueil réservé aux géants. Beaucoup de Tournaisiens sont venus les saluer ce samedi. La consigne, c'était de prendre une cloche, de venir avec une cloche. Il fait beau, il y a des géants, des sourires, c'est parfait. C'est gay, aujourd'hui. C'est gay? Oui, c'est bien. Ça met de l'ambiance? Ah oui, certainement. Et ils avaient de quoi être acclamés, ces géants, après 14 km à travers la campagne et sur les pentes du Mont-Saint-Aubert, depuis le petit matin, les porteurs se sont donnés à fond. Oui, quand même. C'était épuisant, mais ça a été. On avait la bonne bière sur la route, c'est le principal. On est sur entre 65 et 75 kilos. Donc allez, c'est quand même un poids assez conséquent dans des montées à 10%. Donc je pense que l'exploit était à faire et à retenir. Et on n'a pas du tout senti la fatigue parce qu'il y a une volonté, il y a une volonté de bien faire. Un baiser et un petit cadeau à la statue de Christine Delalain. Notre héroïne locale, le centre de la cité. Avant de danser avec le public sur la Grand Place, le bal des géants a même duré toute la nuit. Et on passe sur les routes, le point RTBF Mobile Info, avec Caroline Dor et la chaussée rouverte, Caroline, sur la N63. Exactement, sur la Nationale 63, marche enfin mène Liège à hauteur de Nandrin, dans les deux sens, chaussée rouverte donc. Véhicule en feu, en tout cas il l'était il y a quelques instants sur le 314 Louvain Maasmechelen, c'est à hauteur de Genk Est. Une bande de circulation est neutralisée en direction de Maasmechelen. Véhicule en panne aussi dans l'échangeur d'Anvers Est. Là c'est la voie de droite qui est indisponible. Ça se passe dans la bretelle qui relie le Ring 1 d'Anvers venant des Pays-Bas à l'E313 vers Liège. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les enfants de cœur sont sur Vivacité autour de Jean-Jacques Brunin. Merci beaucoup, c'était Catherine Tonnerreau pour ce journal. Et ce matin, les enfants de cœur sont à Aide dans le sud Luxembourg. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Les enfants de cœur sur Vivacité. Bonjour, bonjour à tous. Les enfants de cœur sont à Aide ce dimanche matin au Petit Théâtre. Nous sommes donc dans une très belle région où il fait bon vivre, la Gaume. Et j'espère que nous allons tous ensemble passer un excellent moment, une bonne matinée avec toute l'équipe en forme olympique. Et si je dis ça, c'est pas par hasard. Que je vous présente d'ailleurs comme les marathoniens du rire. Voici donc, pour vous spécialement, la délégation des enfants de cœur pour les Jeux de Rion 2016. Oh, je vous remercie, public de bon goût. À force de squatter les terrasses plutôt que les salles de sport, il est devenu le porteur officiel de la flemme olympique, Jem Dino. Bonjour. Le plus bronzé de tous, un mec en or qui mérite également l'argent qu'on lui verse chaque semaine. Au stade olympique comme à Aide, il mérite une standing ovation. Qui d'autre que Cody? Bonjour à tous, bonjour Aide. Elle est où ma standing ovation? Ils sont déjà un peu fatigués, Cody. Comprends-les. Eh oui, c'est le matin. Ils se lèveront tout à l'heure pour Évidemment. Toi. Exactement. Le roi du javelot. Il lance des piques à tout bout de champ, certaines tombent un peu à plat, mais souvent ça vole très haut et retombe en plein dans le mille, Christophe Bourdon. Bonjour. Ouais. Pour toujours courir plus vite, Il imagine sa voisine Fernande le poursuivre dans le plus simple appareil, Dominique Watrin. Bonjour à tous. Oui. Rectification Jean-Jacques, l'appareil de Fernande n'est pas très simple. Notre invité est venu se ressourcer là où il a ses racines. Il a grandi à Arlon il y a une petite quarantaine d'années. Il a fait de la musique son métier et sa passion, en solo ou avec le groupe Charcot, avec lequel d'ailleurs il vient de sortir un nouvel album dont le titre est « You Don't Have to Worry ». Nous avons gardé de lui un souvenir inoubliable. Quand il est venu nous rendre visite pour la toute première fois, il y a de cela 4 ans, et personne n'a oublié sa prestation. Non. Donc, on est très heureux de l'accueillir à nouveau ici, dans sa patrie, à Aide, David Bartholomé. Bravo, David, bravo. Bonsoir, merci. Ah, et il a mis un pantalon. Alors, mon cher David, nous sommes dimanche matin, 9h15, à moins que vous n'ayez passé une nuit blanche, le matin, le dimanche, on dit bonjour, cher public. Bonjour, cher public. Et bon dimanche. Vous avez donc grandi à Arlon, mais vous n'y êtes pas né. Je suis né à XL et je suis de taille moyenne. Je serais beaucoup plus grand si j'étais né à XXL. Pas mal. C'est ça que vous vouliez me faire dire ? Si vous voulez, c'est très bien. Très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Vous étiez venu en janvier 2012 à Lezan-Hainaut dans Les Enfants de Cœur. Vous ne saviez pas du tout où vous tombiez. Non. On ne savait pas du tout qui on allait recevoir. Oui. Et je dois dire que vous êtes encore là. Dans la mémoire de chacun. Ah oui, ça a été un moment extraordinaire. D'ailleurs, vous avez écrit quelque chose sur votre prestation après être venu. Oui, mais je ne me souviens pas exactement, mais j'étais vraiment très marqué par cette émission, parce que moi, je pensais que j'allais aller dans une émission de Baraki, et en fait, je me suis rendu compte que vous étiez vraiment c'était du haut vol. Oui. Et je le dis sincèrement, hein, c'est vrai. Ah, tu t'es trompé d'émission. Bon, David, on va y aller alors, ça va ? On y va. C'est parfait, c'est parti. Pendant 1h30 jusqu'à 10h30 sur Vivacité, depuis le petit théâtre de Hête avec David Bartholomé. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, porte aux ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. En télé sur la Une, La Vengeance aux yeux clairs, votre nouvelle série. Si on s'en prend à ma famille, je rends coup pour coup, quel que soit l'adversaire. Quand on manipule les gens, il faut s'attendre à tout, même au pire. Vous m'avez bien compris. La Vengeance aux yeux clairs, c'est ce dimanche soir sur la Une. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient lundi, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée, sur Vivacité et sur la Une. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements, teff.be, avec Cap 48 et Vivre ici. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Vivacité. 9h, 10h30. Vous tenez un blog avec les péripéties de tournée, par exemple, et notamment un voyage à Londres où vous avez donné d'ailleurs un concert avec Girls in Hawaii et le groupe Ginzu. Et on peut dire que le voyage a été une véritable galère. Alors, oui. Et la séquence suivante. Merci, David. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut raconter ou... Si on vous le demande. Les enfants de cœur. J'avais oublié. Ah non, et ce qui est très marrant avec cette anecdote, c'est qu'on vous a relancé 2-3 fois pour que vous nous racontiez l'histoire et on ne la connaît toujours pas. Non, mais c'est tellement long, oui, mais c'est impossible. Maintenant, on ne veut même plus la savoir. Oui. Maintenant, on ne veut plus la savoir. En tous les cas, vous venez de sortir un nouvel album de Charcot. Oui. Quelle est vraiment la différence entre un album de David Bartholomé et un album de Charcot ? Oh ben, un album de David Bartholomé, c'est un petit peu plus calme, c'est un peu plus bucolique, c'est champêtre, c'est fait avec des petits moyens, avec beaucoup d'enthousiasme. Un album de Charcot, on sait qu'on va essayer de faire beaucoup de bruit, et de faire ça sur des grosses scènes, avec des gros amplis, ouais. Et ça, c'est beaucoup plus amusant. Mm-hmm. Vous avez eu un bel été, hein, très très chargé. On vous oui, oui, ben oui, c'est... Non mais quand vous dites c'est, on imagine que la phrase n'est pas terminée. On peut essayer de oui. finir vos phrases aussi. Oui, il a un syndrome en fait, il termine jamais ses phrases. Mais ça c'est un syndrome qu'il y a aussi. Non mais c'est vrai, c'est un plaisir, vous revenez avec un nouvel album et puis on vous invite dans tous les festivals à la rencontre du public, c'est quand même ça l'essence même du musicien, c'est de croiser le chemin de son public et vous avez un public fidèle. Oui. Mais en même temps, Jean-Jacques, vous dites les réponses et les questions. C'est pas faux. C'est pas totalement faux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Non, c'est vrai. Je n'ai pas totalement tort. Dorénavant, je céderai la parole à mon ami et collègue de droite, James Dino, qui est un intervieweur. Je suis de gauche. Mais. Intervieweur de Luc Besson. Hors pair. Mais ces questions sont parfois un petit peu bizarres. Mesdames, Messieurs, James Dino. Pourquoi ? Pour qui ? Où ça ? Avec qui ? Quand ça ? Combien ? À quelle heure ? À quelle heure ? Quel honneur ? Saviez-vous ? Mais comment ? Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, David Bartholomé. Bonjour. Bonjour. Alors, David Bartholomé, donc, on l'a dit, vous êtes né à Arlon, en province du Luxembourg. On connaît tous le slogan de la religion, une ardeur d'avance. Est-ce que vous avez déjà eu des avances d'un ardeur ? Là, il ne donne pas la réponse. Il ne faut rien répondre, David. T'inquiète pas, je continue. J'ai une deuxième question pour toi. Alors, en parlant de ardeur, j'ai appris donc, que vous aviez fait donc, une partie de carrière en solo. Alors, je ne sais pas si dans la musique, c'est facile de faire carrière en solo. On sait que dans d'autres métiers, comme dans le X, par exemple, c'est beaucoup plus dur de faire carrière en solo. Rocco Siffredi a fait une belle carrière en groupe, mais en solo, il aurait ramé beaucoup plus, c'est sûr. Donc, le rock, c'est mieux en groupe ou en solo ? Le rock en groupe ? C'est mieux en groupe. Le rock. C'est moi là non. que je peux rencontrer non, la connerie de ma question. C'est un monologue, David. Hein. Non, je veux savoir pas. Si la margarine s'est mise en groupe ou en solo. Elle est bonne. Non, elle est très bonne. Mais ardeur aussi. Ardeur, tu peux faire carré solo, mais il faut juste te prendre en main. Et la guerre des étoiles s'est mise en groupe ou en solo. David, une question plus sérieuse pour toi qui es dans le rock pur et dur. Qu'est-ce que tu préférais ? Tu préférais faire un duo avec Claude Barzotti ou faire la première partie du Grand Jojo ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Moi, ce qui me plairait le plus, c'est être le quatrième dans la course des frères Borlée. Le quatrième ? Oui, ouais. celui qui gagne, celui qui gagnerait, quoi. Oui, Julien Watrin. Oui. Oui, voilà. J'aurais bien voulu avoir le nom, mais je n'ai pas eu votre... Moi, j'ai le nom, mais je cours pas vite. Et alors, à propos de... Julien Watrin devait venir ce matin. Oui. Et en fait, il ne vient pas parce que c'est la fin de la kermesse de Dampicourt. T'as encore une question, Jim Dino ? Éventuellement, j'ai une dernière petite question. Alors, charcon, on sait que ça vient du mot shark, hein, requin. Est-ce que vous avez peut-être hésité avec d'autres poissons d'abord Par exemple, la truitco ou Rollemopsco, ça aurait pu fonctionner. Ça vous fait rire. Oui, mais on te demande surtout une réponse. On n'aura plus de réponse de David. Foutez-lui la paix. Merci beaucoup pour ces réponses vachement intéressantes, David Bartholomé, et ce brillant questionnaire, Jim Dino. La question mystère avec Dominique Watrin. Un peu de culture. Sur quel support insolite l'artiste anglais Ben Wilson peint-il? Top. Des corps. Ou taisez d'abord. Son sexe. Sur des corps. Sur quel support? Non, pas sur des corps. Un support humain? Non. C'est quelque chose qui sort du corps humain? Non. Oh non, tu es dégueulasse, toi. Oh. Comme bah, ça, c'est fait, Christophe. J'ai rien dit, hein. Vous avez... sur des murs. C'est pas non. De la sueur. Sur des fronts. Sur des non. Toiles d'araignée, a-t-on entendu? Non. Notre madame, c'est une syndicat, madame. C'est quelque chose qu'on trouve dans la nature? Non. Des objets de récupération qui. Ah, des... oui. Si on veut. Des voitures. Ce sont des objets. Non. Donc c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme à la base. Oui, c'est quelque chose de fabriqué. De la récupération. Par... Ouais. C'est des petites. C'est petit, oui. C'est petit, mais. Et voilà. David, là, c'est des téléphones. Tu ne dois pas répondre, tu dois téléphone, poser des questions. Non. Ah, je dois poser des questions. Par exemple, si tu veux, oui. Non, mais je cherche toujours un nom de groupe avec un poisson dedans. Des post-it. Non plus. Des préservatifs. Non. Un indice. Usagé. C'est du street art. Mais... Ah, donc c'est dans la rue. Ça se fait sur les murs. Des, ouais. Ah, oui. Des amendes de parc. Pardon ? Des amendes de parc-mètre. Non, des panneaux de signalisation. Non plus. Le gong vient de retentir. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse dans la salle ? Les quatre grandes gueules, là. Allez, Dominique, réponse. La réponse, il peint sur des chewing-gums collés par terre dans les rues. Oh. Donc, il en fait des... Il les laisse par terre, hein, donc il les peint. Ah oui. Excuse-moi, terre, mais ça sort du corps humain. Hein. Oui. Mais... Mais pas par l'endroit que tu pensais, dégoûtant. Mais je ne pensais pas à cet endroit. Oh, qu'est-ce que t'en sais? Merci. Allez, beaucoup, Dominique. Je vous en prie. La petite pause sur Vivacité. Les enfants de cœur, le rendez-vous des décoincés du culte. Tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. 3 métèques plus un noir, pour tes parents c'est Fukushima. La famille idéale, ça n'existe pas. Raciste, moi. Christian Clavier et Chantal Lobby dans La Comédie Autant Couleur, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, suivi de Amour sur place ou emporté, ce lundi sur la Une. Hyundai, c'est automiseur. Hyundai, automiseur. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils ont tout pour me plaire. Hyundai Auto Mézère, 542 Chaussée de Louvain, proximité Mézère. Un enfant disait, oh, tiens, une voiture de sport, j'ai cru de savoir à combien elle va, ou bien comment est-ce qu'on va sur la Lune et tout ça. Moi, mon plus gros tracas, c'était de savoir à quoi ressemblerait une chaise si on avait les genoux qui pliaient dans l'autre sens. Les enfants de cœur. Vous allez le croiser tout à l'heure, il s'appelle Jean-Michel de Bénezet, au Petit Théâtre ici. Avec David Bartholomé pour toutes les informations concernant la saison du Petit Théâtre, www.petitthéâtre.be. Une petite citation pour se mettre dans l'ambiance. On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mère. C'est beau, hein? Joli. C'est de qui? Des proches? Oui, Pierre Desproges, ouais, exactement. Ouais. Bravo, Christophe, bravo, grande superbe. Culture. Christophe, quelle culture! Allez, cher David. Ah, j'ai rien gagné. Ce matin, vous avez droit, de la part de Christophe Bourdon, à votre oraison funèbre. Applaudissements. Les enfants de cœur. Chers amis, nous voici réunis entre nous, dans le Petit Théâtre entre nous de Hête, pour honorer la mémoire d'un ami trop tôt disparu, David Bartholomé. David, tu nous as tragiquement quittés en voulant brancher ta guitare électrique dans la prise de courant de la loge de Jean-Jacques Brunin.

Vous l'avez rencontrée? Il faut d'abord savoir ce qu'elle fait. Oui, donc c'est un rapport avec votre important. Métier. Donc, c'est sportive? Non. Est-ce que vous peignez sur des chewing-gums? Non. On est dans le milieu artistique. Ah. On est dans le milieu artistique. Est-ce que dans votre jardin, il y a une chèvre? Non, j'évite. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma? Non. La musique? Oui. Ah voilà. Vous êtes un chanteur. Vous avez chanté avec un chanteur. Sophie est musicienne. D'accord. Elle a joué avec... Quelqu'un avec. Avec. Avec, voilà. C'est un chanteur français. Oui. Alors là... Avec ah, Jacques Brel, avec... Non. Avec Johnny Hallyday. Avec la mère Johnny. Alors, on approche dans cette génération-là. Eddie Mitchell. Et le troisième était... Jacques Dutronc. Ah, voilà. Wow. Exactement. Ouais, alors, voilà, Sophie Braconnier, elle a une trentaine d'années, vous êtes de la région, Sophie. C'est normal qu'on mette un braconnier. Elle joue de la flûte traversière. Oh non, elle est bien. Et elle a joué dans... Il est 5h, Paris s'éveille. Voilà. Ah, waouh. Et là, accompagner Jacques Dutronc. Va expliquer, Sophie. Ah ouais, bravo. Donc, j'ai accompagné Jacques Dutronc à sa tournée en 2010. Une centaine de concerts, quand même. Oui, ça a duré un an. Il y avait une centaine de dates à travers toute la France, en Suisse et en Belgique. Voilà, exactement. Et c'est vrai que dans Il est 5h, Paris s'éveille, il y a une belle envolée de flûte traversière. Oui, j'adore. Hein. Oui, c'est un beau solo. Dites-moi, Sophie, la flûte traversière... Oui, j'attends. C'est une vocation. Non mais écoutez, est-ce que ça vous intéresse le didgeridoo éventuellement? Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que Sophie est également choriste. Et que dans la tournée de Jacques Dutronc, il y avait des invités comme Étienne Dao ou Vincent Lindon. Et quand ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'elle faisait, Sophie? Elle chantait à leur place. Voilà, ouais. En duo avec Jacques Dutronc. Vous êtes d'ici, de la région? De Virton. Est-ce qu'il boit autant de Beaujolais qu'on ne le dit? Non, pas du Beaujolais. Ah. Du whisky. Du whisky et beaucoup plus qu'on ne le dit. Beaucoup plus. Je me dis, des joueurs de flûte traversière, il doit y en avoir des paquets en France. Qu'est-ce qui fait que ce soit Sophie Braconnier qui a été choisie? Mais je me suis posé cette question pendant un an. En fait, c'est mon prof au conservatoire à Namur qui connaissait le directeur musical et qui disait qu'il cherchait une flûtiste, choriste, et il m'a proposé. Tout de suite, j'ai été intéressée, je suis partie à Paris, j'ai passé l'audition, 3 jours d'essai, puis je suis restée. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Petite pause, et puis nous retrouverons notre infomane et les blagues de merde de Willy et Christian. Le dimanche matin sur Vivacité, les enfants de cœur sont sacrément drôles. Entrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Une place près d'un mur. Attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Vous êtes jamais allé dans une salle de sport? C'est un jour, on était en vacances en Écosse, il y avait une salle de fitness. Kevin Josiane, elle y est allée. Depuis, les Écossais, ils parlent de la légende du monstre du fitness. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Ah oui, sur Vivacité et à Aide depuis le Petit Théâtre. Et nous passons un excellent moment, n'est-ce pas David Bartholomé? Oui. Oh ouais. Avec toute l'équipe des enfants de cœur. C'est l'heure de retrouver notre envoyé spécial. C'est l'heure... Les enfants de cœur. C'est l'heure d'avoir des nouvelles d'un infomane. Car oui, l'infomane des enfants de cœur, c'est Bruno Coppens. Bruno, alors vous n'êtes donc toujours pas arrivé à être... Bonjour Jean-Jacques, bonjour l'équipe, bonjour, êtes-vous toujours là? Désolé, mais le bouchon est toujours là sur la N82, il y a un monde de dingue pour venir aux enfants de cœur. J'aurais aimé être là car j'ai appris que les gens de Hête, les Hétois et surtout les Hétoises, étaient très chaleureuses. Et oui, il faut savoir que Hête est traversée par la Transgomèse, une étape de 27 km, la Transgomèse. Tout ce qui est trans, c'est hot. Vous avez la Transalpine, la fièvre italienne, vous avez la Transsibérienne, le nom de l'athlète russe. Un homme qui, à force de dopage, a changé de sexe est devenu la fameuse transsibérienne. Et puis vous avez la transe de pain, appelée toast, vu qu'elle est très chaude. Alors si chaude que les Hétoises, dans le temps, on les appelait les Éthiopiennes, sans doute à cause de la chaleur de l'endroit. C'est pas une connerie ce que je dis là, c'est dans les livres d'histoire. Alors, ce tempérament de feu leur a aussi valu le surnom de Roussias, les roux, à cause de la chevelure de certaines habitantes d'ici. Ou les Toufailles, ceux qui mangent des pommes de terre chaudes à l'étuvée, ce qui apparemment est un crime. Mais je répète le dicton populaire, Ayet ici. Ils sont tous braves et honnêtes. Bruno, l'invité de Hête aujourd'hui, c'est David Bartholomé. Alors, David Bartholomé, facile pour lui d'être là à l'heure à l'émission, puisqu'il est né à Arlon, qui est à 23 km 400 mètres de Hête. Il a pris la rue de Marquisa, puis la caserne, le château, Châtillon, Saint-Léger. Oui, je sais, on s'en fout de son trajet, sauf que celui de sa vie détermine parfaitement son parcours, puisque Bartholomé devait être chanteur et musicien. C'est inscrit dans son nom. Bartholomé, de l'hébreu bar, qui signifie le fils, comme dans bar mitzvah, le fils qui fait une bonne action, le barakuda, le fils qui s'accouda au bar, et le bouddha bar, arrête cette musique de merde, de supermarché. Et puis Bartholomé, bar, le fils, et puis Ptolomé, de Talmaï, celui qui trace le sillon. Et quand il était petit, David tracé un micro-sillon, d'où sa vocation musicale précoce. Alors j'aimerais lui demander, David Bartholomé, comment va Charcot? Est-ce qu'il se présente aux primaires en automne? Est-ce que Carla Bruni va le soutenir? Ils sont tellement glamour à deux, et j'espère vraiment que Charcot gagnera les élections présidentielles en 2017, non pour les idées politiques qu'il a, mais pour les caricaturistes et les humoristes. C'est un bonheur, Nicolas Sarkozy. Alors David, bienvenue à Hête, commune bucolique, un véritable coin de paradis. Ici, c'est l'Éden, mais oui, carrément, enfin juste à côté, à l'Hête d'Éden. Merci beaucoup Bruno Coppens. Et il faut savoir que David Bartholomé nous fera le plaisir en toute fin d'émission de nous interpréter une chanson en direct. Oui. Nous serons le 13 septembre au Bienvenue à Wépion. La salle du Bienvenue, c'est juste à côté du terrain de football de Wépion, avec Charlie Dupont, son épouse Tania Garbarski et les frères Taloche. Les réservations à sbl-saint-antoine@gmail.com. Vas-y, fais-la. Non, je dis Vincent Taloche et sa femme. Très amusant, merci beaucoup. Le numéro de téléphone, le 0476-25-0086. Et le 27 septembre, nous serons à Momigny, au Cursal, avec Dany et le duo français de Lille, les jumeaux. Les réservations, le 0476-476-909 et cdj.momini@gmail.com. On est prêt pour les blagues de merde? Vous n'avez pas une petite blague de merde, David? Moyennement. Eh bien, appelons dans ce cas Willy. Venez près de David, Willy. Oui, bonjour tout le monde. Ah ben, je suis déjà en train de dormir. Ils sont encore en train de dormir. Complètement déphasé. Hein. La soirée a été très dure. Ne recule pas, tu vas marcher sur sa guitare, il va mal le prendre. Vous nous venez de quelle commune? De Saint-Marc. Ah bon, enfin. Alors, à ce propos, Willy, est-ce qu'il y a réellement une kermesse à Saint-Marc pour l'instant? Une énorme kermesse qui dure 5 jours à tout casser. D'accord, vous avez croisé Julien Watrin? Je ne l'ai pas reconnu, il y avait tellement de monde à Saint-Marc, c'est la folie hein, ce soir. Tout compris, vous, mon cher Willy. Bon, on va y aller. Blague de merde, on peut la proposer sans problème, au-dessus de la ceinture. Sans problème, au-dessus de la ceinture. Ok, allons-y alors. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. Alors, c'est un jeune couple qui vient de se faire un gros câlin, alors elle profite du moment de tendresse, elle lui dit « Tu sais, mon chéri, j'ai quelque chose à t'avouer. »« Oh, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ben, j'ai pas d'utérus. » Ouais, c'est pas grave. Oui, mais comment on va faire pour les enfants? Ils boiront du café comme nous autres. Joli. Merci beaucoup, Lily. Ah oui. Cadeau de la lecture Gomez et de la bière d'ici. La Lupulus, je pense, qui en tous les cas est excellente, c'est la Lupulus et la Rulle, celle-ci, la bière de Rulle. En tout cas, des bières régionales. La l'utérus. C'est ça, d'accord. Et c'est au-dessus de la ceinture, l'utérus. Bien entendu. Est-ce que il n'a pas menti. Est-ce que Christian peut nous rejoindre à présent? Bonjour. Bel athlète, hein? Combien d'heures de sport par jour, Christian, pour un corps merveilleux comme le vôtre, hein? Dans le micro. Dans le micro, c'est 3 minutes. 3 minutes, à quelle heure? 6h30. Ah oui, d'accord, oui, oui. Plus haut le micro, plus. Vous faites quoi dans la vie, mon cher Christian? Éleveur de chèvres. Oui, et vous faisiez quoi avant? Je suis technicien en téléphonie. Ça m'a permis de voyager assez bien en Belgique. Oui, c'est comme nous. Oui, ouais. Exactement. Oui, on voyage énormément. Puis à un moment, vous avez raccroché. Oui. Parce qu'il était trop occupé. Allez, Christian, allons-y, blague de merde. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. C'est un coq qui arrive dans la cour de la ferme, un jeune coq, et il s'adresse au vieux coq, et il dit, voilà, je suis là pour te remplacer. Oh, le vieux coq, il dit non, qui dit, je voudrais encore. Non, non, qui dit, c'est moi qui prends toutes les poules, qui dit, aucun problème. Le vieux coq, il dit, bon, mais laisse-moi-en une ou deux. Non, non, qui dit, bah, le vieux coq, il dit, écoute, il dit, on va faire un concours, je vais courir autour du poulailler, et si tu me rattrapes, tu peux prendre toutes les poules. Si tu me rattrapes pas, j'en aurai une ou deux. Ça va, qui dit le jeune. Et le vieux coq, là, vu son âge, il commence à courir doucement, doucement. Le vieux coq, il dit, oh, pars, il dit, tu peux même prendre 2 minutes d'avance, il n'y a pas de problème. Le vieux coq, il s'en va, et puis le jeune coq, il y va, il rattrape, il rattrape. Il arrive à 2 mètres, à 1 mètre, 50, 5 mètres, 25 centimètres, pam, il se fait tuer. Alors le fermier, il dit, c'est quand même grave, il dit, c'est le troisième coq que j'achète, c'est le troisième qui est pédé. Il dit, merci beaucoup, Christian. Cadeau également pour vous et cette bière régionale, la Lupulus. Et cadeau pour vous également, David Bartholomé, les chocolats. Ah oui, non, c'est magnifique. Hein. Il y a des choses extraordinaires dedans. Non seulement les macarons, mais des variétés étonnantes de chocolat. Tout ça offert par notre partenaire depuis tant d'années, Jean-Philippe Darcy. Vous allez vous régaler. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Oh mon Dieu. Dans quelques instants, les informations de 10h sur Vivacité, nous retrouverons la chronique de Cody, le journal des bonnes nouvelles. Exactement, dans quelques instants. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Super. Nous aurons également le feuilleton Les Barakis, dont l'auteur est avec nous, Christophe Bourdon. Que se passe-t-il avec les Barakis aujourd'hui? Ah, ils vont être à la mer du Nord. C'est pas ce qui va se passer. Avec David Bartholomé. Évidemment. Et bien sûr, que serait-on sans lui, l'extraordinaire Jean-Michel de Bénezet. Ça change Jacques Dutronc. Hein. Oui. Et lui ne s'éveille pas. Elle est où l'invité mystère? Quand on pense qu'ils sont obligés d'inventer une rubrique pour avoir une jolie fille sur scène. On est tombé bien bas. Non, c'est parce qu'à l'amicale, là, chez nous à Bénezet, où ce qu'on va sur Google, il y a une femme d'ouvrage, mais elle ne fait jamais le seuil et jamais le trottoir. Et on me dit, Jean-Michel va un peu lui demander pourquoi. Ça va encore que ça tombe sur moi. Hein. Et je vais trouver la femme et je lui demande, mais pourquoi est-ce que vous ne faites jamais le trottoir? Je m'excuse, c'est un oubli. C'est parce que chez nous, d'où je viens, on ne fait jamais le trottoir. Et je dis, vous venez d'où? De Venise. Ma vie n'est pas simple, hein. Alors je vais y aller parce que j'ai une tisane gourmaise qui m'attend derrière. Jean-Michel, que l'on retrouve tout à l'heure vers 10h15. Après les informations sur Vivacité, à tout de suite. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Très bon dimanche à tous. Le ciel est généralement nuageux ce matin. La zone pluvieuse progresse vers l'est et sur son passage, elle peut donner quelques gouttes. En première partie d'après-midi, une averse sera encore possible à l'est du pays. Encore pas mal de nuages sur toutes les régions et une grosse différence de température entre l'ouest et l'est puisqu'on attend 20 à 21 degrés à la mer seulement, 22 à 24 en plaine et jusqu'à 26 degrés tout de même en Gaume. En seconde partie d'après-midi, les nuages vont tout de même se retirer et des éclaircies arriveront à partir de l'est. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. La famille idéale, ça n'existe pas. Raciste ? Moi ? Christian Clavier et Chantal Lobby dans La Comédie Autant Couleur, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Suivi de Amour sur place ou emporté, ce lundi sur la Une. Et me voilà ici, tout seul, dans l'horreur. Ce n'est pas bien grand, donc je me suis fait tout petit. Ce sont les enfants qui avaient proposé un service flat. Un service flat. Ha ha, je t'ai trouvé, papy. Oh, t'es trop fort, Simon. J'étais pourtant bien caché. Ouais. Qui aurait pu croire que je me plairais autant chez Harmonia ? Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonia est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service ? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0800 93 430 ou sur harmonia.be. Harmonia, le bonheur à tout âge. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Infos et guides gratuits sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Vous êtes bien branchés sur Vivacité, il est 10h. Le journal en compagnie de Julie Buron. Bonjour. 15 ans après, le monde entier se souvient. Des pirates de l'air prennent le contrôle de 4 avions. Les deux premiers vont percuter les tours jumelles du World Trade Center. Des tours qui finiront par s'écrouler. Le troisième avion percute le Pentagone à Washington et le quatrième s'écrase en Pennsylvanie. Ce 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés par le terrorisme comme jamais auparavant. Mais c'est le monde entier qui est sous le choc. Près de 3000 personnes sont mortes. 6000 ont été blessés, beaucoup ont vu leur vie basculer. C'est le cas notamment de Bruno Delinger, ce Français, directeur d'une société installée au 47e étage de la première des tours jumelles. Il fait partie des miraculés et il se souvient de ce mardi, il y a 15 ans, où tout a basculé. C'est une date à jamais marquée dans ma mémoire. La taille de l'événement est telle et tout se passe dans un temps tellement raccourci. On n'a pas le temps sur le moment d'analyser. On reçoit tout comme un choc, les images les unes après les autres. C'est le bruit des réacteurs et l'avion qui fonce sur la façade. Mes employés qui sont paniqués. Ensuite, c'est une fois la descente achevée qui est longue. Hein. Arriver dans la rue, c'est de voir la tour en feu et de prendre conscience que c'est très grave parce que je ne l'avais toujours pas réalisé. Et puis ensuite, c'est l'effondrement de la tour numéro 2 où j'étais juste en bas. C'est un bruit qui dépasse l'entendement. L'arrivée de ce monstre d'acier, de poussière, de verre, de débris de toutes sortes qui me fonce dessus, en l'espace de quelques secondes, on ne peut plus respirer. Il fait plus noir qu'une nuit, silence total. C'est le blackout et moi j'ai cru que j'étais mort, tout simplement. Un témoignage recueilli par notre consoeur de Radio France, Mathilde Maire. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est bien sûr un jour de recueillement. Les deux candidats démocrates et républicains à l'élection présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump, les deux candidats assisteront à Ground Zero à la lecture des noms des victimes. Une autre cérémonie de commémoration aura lieu au Pentagone, en banlieue de Washington, également théâtre d'un attentat le 11 septembre. Le président américain Barack Obama doit y participer. Espoir déçu en Syrie, grâce à l'accord entre les États-Unis et la Russie, une trêve de 7 jours devait démarrer demain. Une trêve entre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles. Cette trêve, c'est aussi la condition expresse pour toute collaboration militaire entre Washington et le Kremlin contre les djihadistes. Sauf que des raids aériens ont fait près d'une centaine de morts dans différentes localités. Pas sûr du tout que la trêve négociée entre en vigueur demain et soit respectée. Chez nous, agenda chargé en politique aujourd'hui, défi sera en congrès au Ezel, le MR à Otigny pour son université d'été et la NVA à La Panne pour sa journée des familles. Au MR, comme chez Défi, on reparlera notamment de Caterpillar. On sait déjà qu'Olivier Minguin, dans l'opposition au fédéral, va demander au gouvernement un assouplissement des mesures de prépension, ce dont la NVA ne veut pas entendre parler. Le sport, après la défaite cuisante de Moucron 1-5 contre Zulte Waregem et le succès de Peine de 1 sur Ostende, la sixième journée va se poursuivre aujourd'hui avec dès 18h le duel des deux Sporting. Anderlecht accueille Charleroi, actuel deuxième du classement derrière Zulte. Mais Anderlecht sort d'un mercato très chaud. Les Bruxellois ont dépensé 28 millions d'euros en transfert, dont 10 pour le seul Stanciu, un joueur roumain qui fera ses débuts aujourd'hui. Écoutez le coach René Weller, il évoque ses nouveaux renforts. J'ai remarqué qu'on a engagé quand même des joueurs qui sont très intéressants, mais on a entraîné maintenant 2 jours ensemble. Comment ils vont jouer, ça je ne sais pas encore. Hein. Je vois le potentiel, mais maintenant il faut trouver des automatismes, il faut aussi donner le temps à tout le monde, aussi à des nouveaux joueurs, pour t'adapter assez vite avec la ville, avec le club, avec la langue, avec la nouvelle culture. Je suis persuadé qu'on va arriver, mais il faut aussi nous donner le temps. René Weller, le coach d'Anderlecht. Coup d'envoi à 18h ce soir, donc de ce match entre les deux Sporting. Et puis ce soir à 20h30, le Standard et son nouveau coach Jankovic recevront Genk AS Klessin. Quant à l'Allemande Angélique Kerber, elle a gagné cette nuit l'US Open en 3-7 face à la Tchèque Pliskova. C'est son deuxième titre en Grand Chelem cette année après son succès à Melbourne. Kerber deviendra demain numéro 1 mondial, une première pour une Allemande depuis Steffi Graf. Toujours à l'US Open. Aujourd'hui, place à la finale, messieurs. Elle opposera Novak Djokovic à Stan Wawrinka. On fait le point sur vos conditions de circulation avec Caroline Gillet. Il y a un accident sur le 19. Oui, dans le sens Breda-Anvers à hauteur de Sint-Japinot-Gorre, kilomètre 42.3 précisément. Deux voies de circulation sont neutralisées en direction d'Anvers. C'est une information de la communauté Coyote. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les enfants de cœur sur Vivacité avec Jean-Jacques Brunin. Merci Julie Buron pour ces informations et tout de suite nous retrouvons l'excellent public de Het. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. 9h, 10h30. Je ne sais absolument pas dans quelle émission je suis tombé. Tout ce que je sais, c'est que je n'aurais pas dû mettre ces chaussettes-là. Parce qu'elles se voient beaucoup trop. Je suis un petit peu gêné. Londres, départ de Bruxelles. Donc c'est très long à raconter. Hein. Mais on peut faire ça par épisode, par exemple. Alors, comme par un exemple, feuilleton. Oui. Pour voir la tête des gens quand il a dit on peut le faire en feuilleton. Il y a eu 3-4 tentatives de suicide et je l'ai vu. Les enfants de cœur. Depuis le petit théâtre à Aide, est-ce que le public va toujours bien? Ils sont en forme. Ils sont en grande forme, c'est génial. Dans l'équipe aujourd'hui, Cody. Oui. James Dino. Christophe Bourdon. Bonjour. Dominique Watrin. Oui. Et l'excellent David Bartholomé. Oui. Est-ce que vous avez déjà rêvé un jour, David Bartholomé, d'être une star du rock? Alors, parlant de cela, lorsque vous m'avez présenté au public, je n'ai entendu qu'un petit « ouais ». Mais étant une star du rock, comme vous venez de le souligner, j'aurais souhaité, si c'est possible, une ovation. On va refaire l'autre. Non. Voilà qui est mieux. Non, Jean-Jean. Refaisons l'entrée. Refaisons l'entrée de l'invité. Et là, vous devenez fou. Et faisons-lui une ovation de star du rock, évidemment. Allez, sortez en coulisses, on vous appelle. Ah. Allez, voilà. Ah, ça c'est une sortie. Hein. Mesdames, messieurs, nous avons une chance extraordinaire aujourd'hui. Jean-Michel de Bénézé. On ne le voit jamais en radio. We never see him in radio. Mais par contre, il arpente les plus grandes salles du monde, les plus grands stades. In every stadium. Yeah. Qui d'autre? Who else? Que cet artiste incomparable. Mesdames, messieurs, avec nous aujourd'hui, David Bartholomé. Il n'y a qu'à demander, David. Écoutez plutôt ceci. Souvenir de 2008, Cirque Royal, 31 octobre. Vous êtes sur scène et qui vous rejoint? Jacques Dutronc. Julien Doré. Exactement, Julien Doré. Qui vous aime bien? Qui vous aime énormément? Oui. Dans, non, mais je veux dire que dans les interviews, il raconte qu'il a beaucoup de tendresse pour vous et qu'il apprécie énormément vos compositions. Oui. Ah oui. Et inversement. C'est surtout ça. C'est surtout David qui a beaucoup de tendresse pour lui et qui lui a proposé de venir. C'est ça. Oui. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que David Bartholomé a participé au plus récent album de Sandra Kim. Alors là, c'est quand même le choc des gens. Hein. Alors, ça c'est quoi? Oui, c'est vrai. L'histoire de l'Africadelle, c'est toi. C'est toi. L'Africadelle, belle Africa. Elle a une superbe voix, hein, Sandra Kim. Allez, mais qu'est-ce que t'as fait pour Justement sur son album? Oui, proposé. Oui, avec Ozark Canary, Jacques Duval, Danny Klein. Okay. Bah, c'était un peu foutu d'avance quand même, non? Foutu d'avance. On prend les artistes les plus en vue chez nous, notamment Duval qui écrit pour Chamfort, pour tant d'artistes. Oui. Ozark Henry, vous David Bardon, pour Sandra Kim, il y a un truc qui cloche quelque part dès le départ, non? Ah, non, c'est une question de contexte. Elle revenait de période plus de difficile. Il y avait une espèce de... Comment est-ce qu'on dit quand un vieux combattant revient? La rédemption, c'est ça? Ouais. Il y avait une espèce de formule à la Rocky, comme ça. Quand je l'ai vue la première fois, elle était là, elle était encore battante, elle me dit « j'ai encore des choses à dire ». Et je trouvais ça, c'était touchant de voir que cette petit bout de femme, après 25 ans de parcours comme ça, se dise... Et puis la projection que j'en avais, je me dis « waouh, si jamais j'arrive à lui fournir une belle chanson qui résonne en elle et dans le public, ça serait génial. Oui. Voilà ce qu'on se dit. On se dit pas, c'est couru d'avance. Oui. D'accord. Sérieusement, Sandra Kim a une très belle voix. Hein. Elle chante super bien. Mais elle a quand même préféré la fricadelle. Ouais. Allez, le journal des bonnes nouvelles, mon cher Cody, c'est à vous. Allons-y. Sous vos applaudissements. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal des bonnes nouvelles, le JT gentil. Alors, après les JO de Rio, ce sont évidemment les Paralympiques qui se terminent. Nous retrouvons dans un souci de diversité notre journaliste sourd et muet, Jean-Louis. Jean-Louis, pouvez-vous nous dire quelque chose sur ces Jeux? Merci Jean-Louis. Sans transition, le célèbre humoriste Gad Elmaleh aurait évoqué la retraite pour se consacrer à sa passion pour la nature. Gad le comique deviendra donc Gad Forestier. Oui, on vient de me dire que l'association du jeu de mots pourri me demande de retirer ce que je viens de dire sous peine de poursuite de Bourdon. Hein, voilà. Scandale dans l'émission Secret Story. Un des candidats aurait été tout simplement viré de l'émission après avoir été surpris dans la piscine en train de lire un livre. Mobilité à présent, le tunnel Stéphanie a à nouveau ouvert à la circulation, ce qui a permis aux usagers de gagner 45 minutes de ralentissement supplémentaire. Érection américaine, Donald Trump serait toujours en décroissance. International toujours, Kim Jong-il aurait fait exécuter un de ses collaborateurs qui s'était endormi. Quel manque de respect de s'endormir déjà. Suite à cet incident, le président nord-coréen a décidé de changer son image en prônant l'amour de la nature. Il exige désormais que l'on appelle Kim Jong-il. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres bonnes nouvelles. Pas de nouvelles bonnes nouvelles, donc quand il y en a, c'est qu'elles sont forcément... Il y en a deux qui suivent. Merci Cody. Petite pause, nous retrouverons juste après Jean-Michel de Bénezet. Les enfants de cœur sur Vivacité, du pain béni pour les décoincés du culte. T'as joué quoi comme signe astrologique pour ton Joker Plus? Poisson. Je l'aurais parié. Vif, sensible, créatif, mais oui, t'as tout du poisson. Ah mais non, moi je suis bélier. Hein. Ah bon? Ouais, mais on était vendredi et vendredi c'est le jour du poisson. Aujourd'hui je vais jouer balance. Pourquoi balance? Mais parce que je commence un régime. Vous pouvez jouer à Joker Plus chaque jour. Par mise d'un euro 50, vous avez une chance sur 3,88 de remporter un gain et de faire de ce jour votre jour. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille. Avec des amis ou entre collègues et vivre ensemble des sensations inoubliables. Participez à notre baptême de piste et prenez d'assaut le célèbre Raidillon. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours soi-même au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la websérie Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. En télé, sur la une, dépassement de soi. Émotion. Performance. Viva Rio, les Paralympiques. Votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange tous les jours après le JT sur la une. Voir et revoir rtbf.be/ovio. 9h, 10h30. Ces superbes roumains au sourire toujours éclatant. Au sourire toujours éclaté. J'ai mal lu. Les enfants de cœur. Nous sommes ici à Aet à l'invitation du Petit Théâtre qui propose sa nouvelle saison culturelle 2016-2017. Toutes les informations sur le www.petitthéâtre.be et j'en profite pour signaler que les frères Taloche font partie de la programmation avec leur pièce Les Caves qui sera jouée à la Maison de la Culture d'Erlon le samedi 17 décembre prochain. Les frères Taloche qui seront d'ailleurs nos invités pas plus tard que la semaine prochaine, le 13 à Wépion avec Charlie Dupont et Tania Garbarski. Les réservations ASBL saint-antoine@gmail.com et 0476 25 00 86, et puis 15 jours plus tard le 27 septembre à Momigny au Cursal avec l'auteur de bande dessinée Dany et les humoristes Les Jumeaux. Les réservations 0476 476 909, cdj.momigny@gmail.com. toutes les informations et toutes les références de réservation se trouve sur la page des enfants de cœur du site de Vivacité. Jean-Jacques, un petit coup de mou, David. Ne le réveillez pas, Jean-Jacques. Ne le réveillez pas, Jean-Jacques. Mesdames, messieurs, voici Jean-Michel de Bénezet. Ouais. Je m'appelle Jean-Michel. Je suis comme la nature m'a fait. Elle a dû te faire en fin de moi. Qui... Ça va, jeune homme? Vous êtes guitariste? Moi, devant un professeur de guitare, une fois, j'ai voulu jouer « Jeux interdits ». Il m'a arrêté, il m'a dit « Je vous interdis de jouer ». Je suis encore passé à côté de quelque chose dans ma vie, en fait. Non, c'est parce qu'on nous parle tout le temps à la TV, pour le moment. Là, on n'entend que ça, là, avec les élections américaines, avec l'autre qui a un autre fast-food, là, Donald Trump. Oui. Attention, c'est un innocent, hein, l'homme, on le sait bien, mais il faut quand même le comprendre parce qu'on peut se la péter quand on est président quand même. Dis, si on avait dit aux gamins, à l'Obama, là, un jour tu vas habiter la Maison Blanche, il n'aurait jamais cru, hein, l'homme. Attention, moi j'aurais été lui rien que pour m'amuser, hein. Je l'aurais fait repeindre en noir. Rien que pour les embêter. Mais il n'a pas osé. Attention, hein. Il y a un truc, vous reconnaître, c'est pas évident, parce que c'est pas un boulot à vie, hein. À un moment, on te fout dehors, hein. Tu peux plus rester, on te dit, vas-y, vous, hein. Et attention, tu perds tout, tu ne perds pas que le boulot, hein. Tu perds la voiture, la maison, l'avion, t'es avec deux valises sur le seuil comme avant, hein. Et moi, je pense aux gosses, moi, parce que pendant qu'il était président, là, l'autre, ben, les gosses à l'école, on leur foutait une paire royale, évidemment. Sinon, ils disaient, attention, je vais le dire à mon papa, il est président des États-Unis, hein. Oui, mais quand il n'est plus président, ils vont morfler, hein, les gosses à l'école. Ils vont payer, hein. Moi, je vois bien, je comprends fort bien cet homme-là, hein, parce que moi, pendant un an, j'ai été président du comité d'organisation du tournoi de belote à Bénezet. Eh bien, il y a même des gens qui me disaient « vous ». Maintenant, ils ne me disent plus « vous ». Ils me disent même plus « tu ». Ils me disent plus rien du tout, d'ailleurs. Mais enfin, je le comprends bien, parce que à Washington ou à Bénezet, là, il n'a quand même tout dit que ça quoi qu'il ne venait. Notre Jean-Michel de Bénezet, évidemment. À revoir en vidéo et réécouter l'émission via le podcast sur le site de Vivacité. On se fait une petite pause, la dernière de l'émission. Nous aurons une chanson en live de David Bartholomé, le feuilleton Les Baraquis, et puis également un petit retour en arrière dans C'était pas mieux avant. À tout de suite. Pour écrire aux Enfants de cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Vos vieilles lampes et ampoules valent de l'argent chez la galerie. Recevez un bon de réduction de 10 euros par ampoule et de 20 euros par luminaire que vous nous rapportez. Voir conditions en magasin. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Hyundai, c'est automiseur. Les meilleures conditions et jusqu'à 50 entretiens de garantie et d'assistance. Ils sont tout pour me plaire. Hyundai Auto Mézère, 542 chaussée de Louvain, proximité Mézère. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. Viva Bruxelles présente les Nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnedesmuseesbruxellois.be. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes ces 10 et 11 septembre et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. C'est un gars qui se promène avec son petit chien, il est là, il lève ses yeux comme ça, il voit sur une terrasse au 10e étage, un gars avec une grande djellaba, des babouches, et le gars est en train d'épousseter un grand tapis d'Orient. Et l'autre, il lève ses yeux, il fait... Et quoi, grand, il ne démarre pas? Jusqu'à 10h30, les Enfants de cœur sont sur Vivacité. Ah, notre ami Renaud Huitenne qui a laissé un souvenir incroyable lors de son passage à Vielsalm. Ah oui, oui, on va d'ailleurs le réaccueillir. Lors des étapes où notre ami James Dino sera absent. Ah. Tu vas jouer au théâtre, ça, James Dino, je pense. Ah non, tu pars en vacances, excuse-moi. Non, oui, je joue au théâtre, je joue dans la pièce Djihad, moi. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais, oui, voilà. Et à propos de spectacle, oui, il va nous rappeler le 6 octobre. Exactement, le 6 octobre, le spectacle pour l'ONG, la chaîne de l'espoir, qui aide des médecins à réaliser des opérations des enfants en Afrique, notamment. Mm-hmm. Le 6 octobre, au Théâtre Molière, un spectacle avec James Dino, Bruno Coppens, Guillermo Guise, Pablo Andrés et moi. Voilà, belle affiche, toutes les informations. La chaîne en or, c'est ça ? La chaîne de l'espoir.be. La chaîne en or. Vous confondez avec votre club échangiste, mon vieux. La chaîne en or. La chaîne en or. La chaîne en... Mais allez voir toujours sur la chaîne en or.be, on ne sait jamais. Voici la chaîne de l'espoir. Et sur la page Facebook de Cody. C'était pas mieux avant. La question, je la pose à tout le monde.

Christophe Bourdon, l'auteur du texte des Baraki. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Vous avez passé un bon moment? Oui. Ah, on s'est bien amusé. Ah ouais, ouais, non, je suis content de vous avoir revu. C'était formidable. Dans l'équipe ce dimanche matin, il y avait Christophe Bourdon. Bon dimanche. Il y avait aussi Cody. Et merci à tous, passez un bon dimanche. Amusez-vous. Et Jem Dino. Bonne journée, merci à Ed. Merci les à vous. Les deux que vous retrouverez d'ailleurs très bientôt dans le Grand Cactus sur la 2 avec l'équipe de Jérôme de Warzé. Bon, ben Dominique Watrin. Dominique Watrin. Merci Jean-Jacques, bon dimanche. Et au commande de l'émission, mesdames et messieurs, il y avait bien sûr Jean-Jacques Brunin. Merci à vous, chers amis de Ed. On sera à Attu avant la fin de l'année, donc notez-les, revenez nous voir avec plaisir. Dans quelques instants, Thomas Loridès, ces années-là. Sachez que dimanche prochain, nous recevrons Vincent et Bruno Taloche pour nous parler du programme du Vous Rire qui a lieu dans le courant du mois d'octobre à Liège. Mais pour terminer en beauté, un extrait du nouvel album de Charcot avec la guitare de David Bartholomé. Nous allons écouter When I Was Your Age. C'est bien ça, David? Oui, c'est ça. C'est magnifique. Allez, une ovation, comme pour la plus grande star du monde, David Bartholomé. Bon dimanche. David, David, David, David, David, David, David, David. Merci beaucoup. Alors, cette chanson raconte l'histoire d'un petit monsieur qui traverse la crise de la quarantaine. Il voit des jeunes partout. Il y a des jeunes partout. Il va au boulot, il n'y a que des jeunes. Il regarde la télé, il n'y a que des jeunes. Il écoute la radio, il n'y a que des jeunes. Il n'a qu'à nous écouter, hein. Et donc, il pense à sa jeunesse et il se dit « When I was your age, Justin Bieber. » One block and you run out of breath. And then you stand still. You were so out of it, out of shape. A fancy car go by. Justin Bieber, how come you look so slim? Justin Bieber, what can I sing? I'd like to sing. Justin Bieber, how come you look so funky? Justin Bieber, and I don't. Lonely tears fell right from my eyes. And then you near. I go from the west to the east to the worst. Let's get out of here. Justin Bieber, how come you look so slim? Justin Bieber, what can I sing? I'd like to sing. Justin Bieber, how come you look so funky? Justin Bieber, and I don't. When I was your age, I looked as good as you, boy. At your age, I looked as good as you, boy. Justin Bieber. Justin. Justin. Bieber. C'est mieux. Justin. Bieber. Et les derniers pour la route. Justin. Merci.